89.1. CKRL, Québec. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble, plein de bonne musique encore une fois cette semaine. J'ai fait le tour des internets pour vous. Je vous ai trouvé de la musique en téléchargement gratuit. Gratuit et légal, donc la plupart des pièces, comme à l'habitude, sont sous licence Creative Commons. Ça vous permet de donc télécharger et même de partager. Dans certains cas, vous pouvez même remixer les pièces si vous republiez par la suite, donc sous licence Creative Commons. Si vous êtes curieux et vous voulez télécharger les pièces, c'est assez simple, vous vous rendez sur le blog de l'émission, c'est au www.webmusique.ca. Donc vous allez avoir les liens pour télécharger toute la bonne musique. Cette semaine, on va débuter avec un album publié sur le netlabel D-Trash Records. L'artiste s'appelle Fear Run. Je vous fais entendre la pièce Widened Perspective. C'est donc un remix par Synthetic Freedom Fighters. Une excellente pièce pour débuter l'émission. Tout de suite après, publié sur wavelike.net, c'est Sinus Force avec la pièce Sinus Therapy. Une autre excellente pièce. Donc, ben c'est ça, on débute Web Music tout de suite avec The Faron. We'll be right back.

De l'Allemagne, c'était Sinus Force avec sa pièce Sinus Therapy. C'était publié sur wavelike.net. Avant ça, ben, on avait débuté Web Music avec The Fear Run. Sa pièce s'intitule A Widened Perspective. Donc, c'était une pièce remixée par Synthetic Freedom Fighters. Ça, c'était publié sur D-Trash Records. D-Trash, d'habitude, qui porte assez bien leur nom. Musique vraiment ultra-violente, donc à consulter si vous êtes amateur de ce style-là. Pour la suite, on va se diriger du côté du Chili avec un groupe ou un non-groupe. J'ai vraiment eu de la difficulté à trouver de l'information. J'ai juste pu savoir qu'ils venaient du Chili, donc leur nom c'est Capital Humano. Je vous fais entendre la pièce El Comercial de Nuestra Ensalada Persuano Amigo. Vous allez voir, vraiment surprenant comme musique. Tout de suite après, ça va être un artiste de la ville de Paris en France. C'est The Fake Panda. Je vous fais passer la pièce The Next Place. Donc, c'est sur le netlabel Sociopath Recording, un netlabel qui nous vient de Taïwan. Donc, spécialisé musique drum and bass et toutes les saveurs. Donc, un netlabel à découvrir. Ben, on écoute tout de suite Capital Humano. ¡Canta de maravilla! Debes estar loco. Es bueno. ¿Que estás loco? Ah, pero antes de continuar, le doy las gracias al señor Cleo McDowell, que nos ha traído toda la buena comida y bebida que hemos consumido esta noche. Cleo, hay que tener orgullo de tu bella hija como a nosotros. Demos la bienvenida a una de las organizadoras de la festividad de esta noche, la señorita Lisa Marta. Lisa, ven por acá, amor. Un aplauso para ustedes, porque están hermosos. Son un público muy hermoso. Sí, mientras están con los aplausos, quiero que le den un aplauso muy fuerte a mi banda. ¿No les parece? somebody? I said, damn right I'm somebody. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste parisien du nom de The Fake Panda. C'était la pièce The Next Place. C'était publié sur Sociopath Recordings, une étiquette qui nous vient de Taïwan. Avant ça, c'était un groupe du Chili du nom de Capital Humano. C'était publié sur Ofta Nova, un excellent netlabel que j'ai découvert aujourd'hui. Plein de bons matériels, donc un netlabel à découvrir. Pour la suite, on va se diriger du côté de l'Angleterre avec Third Person Lurking, un artiste qui publie sur Dusted Wax Kingdom, une excellente étiquette bulgare, donc vraiment beaucoup de musique à saveur down-tempo, hip-hop instrumental. Donc, si vous ne connaissez pas déjà Dusted Wax Kingdom, allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est ça, je vais vous faire entendre la pièce Moonlit Scenario par Third Person Lurking, c'est sur son album The Cloud Mirror. Cherchez des sons différents? Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens.

I'm gonna go to the bathroom. C'était Seven Vortex avec sa pièce Locust. C'était publié sur PicPac. Avant ça, de la ville de Nice, c'était Nanodio avec sa pièce Back In. Ça, c'était publié sur Rochkram Recordings, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Pour poursuivre, on va se déplacer cette fois-ci du côté du Japon, de la ville de Kyoto plus précisément. L'artiste s'appelle Bonafat. Il est publié sur Dystopiac, un excellent net label. C'est tiré d'une compilation dont le titre m'échappe, je vais vous dire ça tout de suite après. Une excellente compilation, un album double, donc plein de bonne musique. C'est la pièce Obligate Community que je vais vous faire entendre. On écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you. De la ville de Kyoto au Japon, c'était Bonafat, un artiste publié sur Dystopiac. C'était tiré de la compilation This is Material Music, I Do Your Condition. Donc, une excellente compilation qui a presque 50 pièces dessus. C'est en, on peut dire, deux volumes, mais ça n'a pas vraiment de rapport parce que c'est en MP3. Mais tout de même, une compilation à télécharger absolument. Vous pouvez la télécharger gratuitement en vous rendant sur le site de WebMusic. Donc, ben c'est ça, la pièce s'appelait Obligate Community. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Il y a Guy Tremblay qui s'en vient tout de suite après pour l'émission Beau Temps, Mauvais Temps. On va se laisser sur une dernière pièce d'un artiste que j'adore du nom de Bad Finks et publié sur Prout Records. La pièce s'appelle The Rumble Killed. C'est un artiste de l'Angleterre. C'est un drôle de mélange, un peu musique folk, musique électronique, un album vraiment intriguant à découvrir. Donc, ben c'est ça, c'est tout pour Web Musique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour une autre émission. Bonne soirée. Please sit back, don't sit forward. Trying to look your way. For God's sake, don't sit forward. I can't hear what you say. A nest of them types of roses. Types of roses. Do you have something to say? And I left you on the corner, trying to find your way. And I left you on the corner, 'cause you were just the same. Types of roses will never find their way. I know certain types of roses. We have something to say. It's like a little bit of love. It's like a little bit of love. Thank you.